cinéma. Salut Tonaille. Comment tu vas, Jack? Écoute, je vais plutôt bien. J'ai passé un formidable moment il y a quelques minutes. Ouais. Ça m'a détendu de ouf. Oh, bah ça fait plaisir. Ah ouais, ça m'a détendu de ouf. Mais je pense que... Alors je sais que t'es un peu pressé par le temps, donc j'ai pas envie de te faire perdre trop de temps, j'ai pas envie de te dire machin. Je sais qu'il va falloir qu'on parle une nouvelle fois d'un groupe pour une de ces capsules, et qui va sûrement être un peu plus sérieux. On va être moins dans la galéjade que la fois d'avant. Déjà, on va plus être dans... On va pas avoir besoin de lire quoi que ce soit. C'est vrai, c'est vrai. Enfin, plus ou moins que 2-3 notes, mais on sera moins dans le truc. Mais t'es en forme, toi? Je sais pas pourquoi. J'ai l'impression que j'essaye de gagner du temps pour rien. Je suis en forme. Ça va et toi? Écoute, je me suis réveillé à 6h. Oula. Ah bah moi j'ai fait la grasse mat à côté de toi. Non, mais tu t'es couché à quelle heure? 1h30. Oui, voilà. Je me suis couché à 1h30, donc ça va. Ouais, je me suis levé à 8h30. Oui, mais bon, bah t'as qu'une heure de sommeil en plus que moi. Potentiellement. Oui, c'est vrai ce que tu dis. C'est pas tant. Et donc toi, t'as l'air plus frais que hier. Ah bon, j'étais pas très frais hier. Bah non, t'étais fatigué, t'avais pas tes 11 heures de sommeil, rappelle-toi. Ah oui, c'est vrai, ouais, c'est vrai. T'étais chafouine de ce côté-là. Ouais, c'est vrai. Je suis chafouine. Est-ce qu'on attaquerait pas tout de suite? Est-ce qu'on passerait pas tout de suite à un petit générique dont tu as le secret? Ouais, on peut. Ben je t'en prie. Allez, c'est parti pour l'impro. Boum, boum, boum, boum. Merci beaucoup Tonaille. Le groupe, on va aujourd'hui vous parler d'un groupe qui est très inspiré un petit peu par... Je saurais pas quoi dire. Tu dirais qu'il s'est inspiré par quoi, toi? Alors, je peux te dire ce que j'ai cru comprendre? Ouais, tu peux dire, ouais. Par l'évolution humaine. Ouais, c'est... Alors, j'avais cru que t'allais dire un truc un peu plus simple, mais... Moi, je vais directement dans le dur. Quoi. Ok, l'évolution humaine, que ce soit des dinosaures, que ce soit... Bah, c'est pas très humain. C'est humain, les dinosaures? C'est des mammifères, peut-être? Non, parce qu'il parle, il parle pas de dinosaures à des moments. Je sais pas, parce que je comprends pas. Puis moi, je t'ai dit, je préférais les parties instrumentales. c'est vrai qu'on va aborder ce sujet. Est-ce que, du coup, tu peux nous dire de qui on va parler? The Ocean. Exactement, on va parler de The Ocean. Oui, pardon. C'est pour ça que j'avais fait la mouette. Oui, mais je savais. C'est pour ça que j'ai cru que t'allais dire influencé par les, enfin inspiré par l'océan. Mais donc The Ocean ou The Ocean Collective, Collective. Okay. Est un groupe de metal progressif allemand ou plutôt de post-metal progressif, ou plutôt voilà. Originaire de Berlin, pardon. Le groupe est fondé en 2001, enfin 2000-2001, c'est pas clair, par le guitariste et principal compositeur Robin Stapp. Cependant. Ah. Le premier vrai line-up stable date de deux line-up du groupe stable. Ça date de 2009. Ah ok, d'accord. Ouais, parce que en fait, ce qui s'est passé avant, c'est que donc lui, ce qu'il voulait, c'est donc avoir une espèce de collectif de musiciens, parce que en fait, comme il s'ennuyait il a eu l'idée de créer une espèce de grand collectif où il y aurait plein de musiciens, et comme il s'ennuyait, en fait, il a fait une espèce de grand bordel qu'il a voulu créer, parce que genre dans les deux premières années après 2000-2001, il y a eu quand même près de 40 musiciens qui ont rejoint le groupe et qui sont partis. Ouais, d'accord, ok. Et tu vois, par exemple, pour les premiers albums, donc tu vois le quand je te disais que c'était jusqu'en 2009 qu'il y avait un line-up stable, enfin à partir de 2009, c'était par les albums Héliocentrique et Anthropocentrique. Ok. Qui sont quand même pas les plus récents. Bah non. Parce qu'ils sont arrivés en termes de quatrième et cinquième album. Ok, ouais. Donc pour les quatre premiers albums, c'était pas aussi stable que ça. Et en fait, il y a eu beaucoup, beaucoup de musiciens qui ont rejoint le groupe. Et lui, donc, ce qu'il voulait, c'est faire une espèce de truc un petit peu... dans l'esprit du collectif, c'était en fait, il a voulu faire un truc monstrueux, quoi. Ouais. Et aujourd'hui, on est plus sur The Ocean. En fait, c'est compliqué aujourd'hui de définir The Ocean et The Ocean Collective dans le sens où, moi, j'ai même vu un journaliste qui posait la question, mais là, ce dernier album, c'est plus The Ocean, The Ocean Collective. Ah, en fait, oui. Il dit non, mais maintenant, on est arrivé à un truc beaucoup plus stable. Le line-up, il est arrivé à un moment donné où c'est bon. Là, c'est plus, tu vois. Ouais, il avait une idée au départ et puis finalement, bon, bah, ça s'est concrétisé à ce que c'est aujourd'hui, peut-être. Ouais, en fait, je pense que ce qu'il voulait, enfin, je pense que ça s'est plus transformé par rapport au label qu'il a créé, en fait. Je pense le côté collectif, ouais, parce qu'il a créé le label Pelagic Records. Et en fait, moi, je m'intéresse pas trop au label en général. Mmh. Et en fait, je me suis vraiment dit que c'était une très grosse erreur, parce que quand j'ai regardé les groupes qu'il y avait, par exemple, sache que pendant un temps, alors c'est plus le cas, mais il y avait Cold Guns qui était dedans. Ah ouais. Et que Cold Guns, c'est trois membres qui ont été dans The Ocean à un moment donné. Ah oui, ok. C'est-à-dire que le chanteur de Cold Guns, il était bassiste dans The Ocean, le batteur était batteur et le guitariste était guitariste. Et les trois, ils sont partis en même temps pour former Cold Guns. Ah, ils ont fait partie de ces quarantaines de musiciens. Voilà, sûrement. Okay. Non, ils sont restés plus longtemps que les deux premières années. Hein. Ah ouais, oui. Ouais, non, okay. ils sont partis en 2013. Donc ils étaient là en gros les trois ils étaient là de 2007-2008 jusqu'en 2013 et donc c'est après 2013 et donc tu vois là en fait si tu fais aujourd'hui les gens qu'il y a dans The Ocean, t'as Robin Strapp qui est là depuis 2001, mm-hmm. t'as David à la guitare qui est là depuis 2018, Paul à la batterie depuis 2013, Mathias depuis 2015 à la basse et Peter au clavier depuis 2018 et Loïc le chanteur depuis 2009. Donc on va dire que le vrai noyau dur maintenant aujourd'hui ça va être Loïc et Robin. Okay. Enfin ou Robin okay, pardon. Okay. Et donc ils ont formé Cold Guns et Cold Guns comme quoi, il n'y a pas eu d'embrouille, vu qu'ils ont été dans Pelagic Records. Ouais. Mais dans Pelagic Records, t'as d'autres groupes aussi. T'as par exemple Arabrot. Ah ouais. Arabrot, c'est pour ça qu'il y a un morceau The Ocean avec la femme de, j'ai oublié son nom, ouais. Mais qui est aussi une artiste solo. Mm-hmm. On a également des groupes pas trop mauvais comme Envy. On a Psychonaut. On a Hypnose. Ah ouais. Ah ouais, ouais, ouais. Il y en a encore plein d'autres, hein. Il y a Lost in Kiev. Ouais. Il y a aussi le fameux groupe dont j'ai oublié qu'on prononçait LLNNN. Ah ouais, d'accord. Ouais, ils sont dedans aussi, ouais. Mmh. Donc t'as énormément de groupes, en fait, là, t'as aussi The Ocean, étonnamment. Et t'as aussi le groupe Year of No Light. Je sais pas si tu t'en souviens. On en avait parlé l'année dernière. Year of No Light. Non, ça me rappelle. Ça te rappelle pas? Non. Ah bon. Eh ben. LLNNN, par contre, je me rappelle. Voilà. Pour ça, c'était, voilà. Donc, au début, donc c'est un peu, toi, au début, The Ocean, c'est pas très clair. Ouais. Le côté groupe. À part que c'est Robin qui gère tout, il écrit tout, il compose tout. Et quand tu regardes bien, t'arrives à savoir un peu quel artiste a fait partie, par exemple, de telle ou telle sortie, non ? Bah pas tant, parce qu'en fait, même si je t'ai dit il y a eu beaucoup de membres, en fait là, il n'y a pas tant d'anciens membres que ça. En fait, lui, il considère les anciens membres qu'à partir de, ça doit être à partir de 2007. C'est en fait, je pense ouais, que, d'accord. Bah ouais, parce qu'en fait, en même temps, le premier album du groupe, lui, n'est sorti qu'en 2004. Premier album en 2004. Avant, ils ont eu des petites démos ou des petits trucs comme ça. Mais en fait, c'était pas vraiment pour moi. Tu parles de Fog Diver, là? Je parle de Fog Diver. Ouais, parce que moi, j'en vois un. C'est le premier que j'ai écouté. Il me fait peur quand il dit Fog Diver. C'est un EP, par contre. Ouais, non. Ouais, le premier album, c'est Fluxion en 2004. D'accord. Non, parce qu'il y a eu des EP, il y a eu des trucs, mais comme il y a eu même des splits avec d'autres groupes. Donc, non, il y a eu tout plein de trucs, mais c'était pas encore. On va dire la version de The Ocean. Okay. Tu vois, c'était vraiment il a mis beaucoup de temps, on va dire, à créer son groupe et surtout en fait à ce qu'on se rende bien compte aujourd'hui que c'est Robin le principal, c'est de lui que tout vient, c'est lui qui a tout créé quoi. OK. Donc ils ont fait des démos, des premiers concerts mais c'est vraiment avec le début pour eux en fait, en gros, c'est vraiment à partir de 2009 que le groupe existe vraiment. D'ailleurs, tu peux le voir quand tu écoutes les premiers albums, le chant n'a plus rien à voir. C'est une fois que Loïc est arrivé et qu'il amène son chant particulier, on n'est plus, parce que je pense qu'avant c'était Robin qui devait chanter. D'accord. Et donc c'est pas du tout la même voix, c'est pas du tout en plus les deux premiers albums étaient indépendants. Mais ça a permis d'attirer la scène de leur underground. Et après, c'est vraiment avec le troisième, Aeolian, que le groupe a vraiment, commencé à se faire connaître. À noter en plus que c'est un groupe que moi, depuis que je me suis un peu renseigné dessus, j'ai énormément de respect parce que faut savoir que ils habitent tous dans des coins différents de l'Europe. Ah, d'accord, ouais. Ils sont pas du tout dans le même pays, quoi. T'en as en Suisse, tu vois, t'en as en Allemagne. C'est vraiment les mecs. Chacun de leur côté, et puis, Et ben, en gros, de ce que j'ai pu lire, en fait, ils se retrouvent pendant plusieurs semaines pour faire des trucs, mais ils s'arrêtent jamais. Genre, ils tournent énormément. Ils tournent à travers le monde en plus. D'accord. Ouais. Ils peuvent faire plus de 150 dates à l'année. Ils ont à côté de ça des boulots. Alors, je sais plus qui a dit ça. Je crois que c'est David qui disait que lui, il a aussi deux boulots à temps plein à côté. Mais non. Mais je sais pas comment il fait après, voilà. Donc voilà, je ne sais pas. Il pose la question parce que c'est une recette à suivre peut-être. Bien sûr. Bah oui, comment il fait, c'est quoi? Est-ce qu'il a une morning routine qui lui permet d'arriver à faire tout ça? Et il faut aussi savoir que les membres de Shearn, ils ont d'autres groupes à côté. En plus. Ouais. Oh lolo. Non mais c'est un truc de malade. Sans cloner les gars, je pense. Oh, mais ça arrête jamais quoi. Et en gros, même le gars, donc David, il disait ouais, moi je déteste dès qu'il y a un temps mort en tournée, ça me permet de bosser sur des trucs. Les gars, ils s'arrêtent. T'as jamais. Mais donc il y a aussi une petite particularité que toi tu as noté, mais juste en amont, c'est qu'ils sortent leurs albums en version musicale, instrumentale, ouais. sans le chant. Et tu m'as dit que justement, toi, c'était quelque chose que t'avais préféré. Ouais. Alors, il faut savoir que, par exemple, en termes de composition, le groupe, selon les membres, va composer d'abord la musique. En général, c'est Robin qui s'en occupe. Ensuite, avec Loïc, il trouve la ligne de chant. Tu vois, la manière dont la voix va être posée. Ouais, okay. Et après seulement, les paroles. Ouais. Tu vois, c'est un exercice qui est fait dans cet ordre-là. Mmh. Tu vois, donc, en fait, ils vont trouver ce qu'ils ont à dire sur une ligne de chant après. Mais ils vont d'abord avoir la ligne de chant par rapport à tout ça. Okay. Et je ne sais pas, parce que moi, j'ai pas pris le temps d'écouter la partie instrumentale. Est-ce qu'il y a quand même une ligne de chant qui est faite musicalement ou c'est... En instrumental? Ouais. Ah non, c'est que instrumental. C'est que quand je dis ligne de chant, est-ce que c'est une voix? Non, pas une voix, non. Une musique qui reprendrait la même variation. Ah, non. Non, je pense que j'aurais fait attention à ça. Non. D'accord. Ouais. Bon. En tout cas, The Ocean, ça reste le projet de Romain. Et apparemment, c'est lui, il a une vision vraiment très précise du truc. Quoi. Mm-hmm. Même s'il laisse un peu d'espace aux autres, c'est son projet à lui. D'ailleurs, en fait, quand il propose à chaque fois, en fait, vu que la musique à eux, ils viennent en premier, ils expliquent qu'ils sont, c'est parfois complexe derrière d'y ajouter 10 paroles. Tant les morceaux, ils fonctionnent toujours bien pour eux de cette façon-là. Ouais. Et c'est ce qui va être intéressant dans ce que toi, tu vas pouvoir en dire derrière. Qu'est-ce que j'avais envie de dire rien, ça je l'ai déjà dit. Le groupe, il a déjà plus de 20 ans. Hein, ça c'est. Ah ouais, quand même. Non, pas tout à fait 20 ans. Enfin, 2000, bah si, plus de 20 ans. 2003. Bah 2001, oui, 20. 2001, ouais, oui, plus de 20 ans, mais je pense. Voilà. Donc ça, c'est ce que j'avais voulu dire. Ça, c'est bon. Après, ils ont toujours des thématiques dans les albums. Ouais. Ils ont toujours le moyen de. C'est toujours en fait pas des albums concept, mais des albums thématisés. Ils ont vraiment, voilà. D'accord, ok. Ouais. Bah du coup, écoute, moi, je vais te dire. Dis-moi ce que t'en as pensé du groupe, toi. Oh là, beaucoup de choses. Déjà pour commencer, je suis bien content de pas avoir zappé dans mon écoute la sortie de leur premier album que je te disais justement, Fog Diver. Donc l'EP. L'EP. Ouais. Parce qu'en en fait. Ouh là, il y avait pas de version instrumentale. Là, bah non, parce qu'il est instrumental déjà de base. Ah oui, d'accord. Autant pour Wham. Donc si tu veux, en fait, parce que j'ai vu qu'il y en avait plein, j'ai regardé un petit peu toute la liste et tout, mais ça c'était avant que je m'aperçoive justement que tous les albums sortent aussi en instrumental. Voilà. Et là, je me suis dit, waouh, ça va être compliqué parce que bon, pour rappel, The Ocean, on l'a préparé il y a pas très longtemps. Il y a deux jours, pensais le faire hier en plus. En plus. Donc premier album, premier EP pardon, sorti en 2003, entièrement instrumental. Et là, c'est pour moi en fait ça a marqué en fait ce que j'attendais en fait quelque part. Ça a imprimé dans ma tête un peu ce que j'attendais du groupe après. Ah oui, d'accord. Parce que c'est ça. Ouais, ah, okay. C'est ça. Et ça m'a carrément plu. Post-metal, j'adore bien ça sûr, en plus. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et donc après cette idée que je me suis mis en tête, les deux voire trois premiers albums du coup, ont un petit peu automatiquement déçu un peu. Ah ouais. Mais en fait déjà niveau du son c'était pas vraiment pareil et puis il y avait la voix et là du coup la voix m'a gêné un petit peu. Oui, mais c'est normal parce la voix elle était beaucoup plus rauque, beaucoup criée, beaucoup moins nuance. Mais jusqu'à Fluxion, je crois bien. Alors attends. C'est possible. Donc comme je te dis, la voix donc le son qui était pas du tout reconnaissable et pas du tout ce que j'attendais, cette recette qui m'avait ça m'avait bien emballé pour mes découvertes à suivre. Dans le troisième, c'est Fluxion. Fluxion, qui m'a conforté à continuer de creuser. Au début, c'est la voix qui me gênait et je me suis dit c'est dommage. En tout cas, jusqu'à l'album Héliocentrique où je me suis dit ça passe en fait. Mais ça, c'était avant de me rendre compte qu'il y avait les versions instrumentales. Et c'est pour quasi tous les albums. C'est pas courant quand ils pensent. Bah, quand même. Non, non, c'est vrai. C'est vrai, mais pour tous les albums. Parce que non, c'est vrai ça. Que ça arrive que t'aies un album ou deux ou t'aies l'instrumental, mais là, c'est tous les albums. Bah, disons qu'en fait, du coup, pour eux, c'est pas une option, en fait. C'est, on a les deux. Bah, en fait, tu vois, c'est ce que je me suis toujours dit au long de mon écoute. Quand j'ai vu quand Fog Diver, pour moi, c'est vraiment, ça a imprimé un truc pour moi. Mm-hmm. Et je pense que je suis pas loin de la vérité, en fait, parce que, bah, tout leur son, après, bah, à partir de Pelagial, surtout, moi, mm-hmm. je trouve. Et là, on reste vraiment sur, un post-metal avec une voix par-dessus. Mmh. Et voilà. Et ça passe bien, hein. Ça passe bien. Hein. Mais c'est vrai que, bon, moi, personnellement, j'ai une petite préférence pour les parties instrumentales. Mais, Peut-être parce que pour toi, en fait, il se trouve qu'aujourd'hui, il y a deux entités de Devotion et il y en a une instrumentale et une avec un chant et que tu préfères celle qu'instrumentale. Ouais. Peut-être. Ouais, bah, je pense, hein. Alors, par contre, donc, sauf Pelagial, qui lui, avec ses 22 titres pour plus d'1h45 de son, n'ont pas eu le droit à sa sortie en instrumentale. Ah, là, tu vois. Et là, ben, il faut se faire souffrance et accepter cette voix que j'ai voulu refuser au départ. c'est là que je me suis dit, bah c'est bien en fait. Mais ça oui, passe bien, pas si c'est mal bien. En fait. Mais écoutez, oui. quand tu te forces un petit peu, ben ça passe bien. Ces changements hurlés, clairs, ces changements de tempo, d'ambiance, on veut clairement t'emmener, mais pas de force. On te tend la main et tu peux te laisser emmener. Ok, mais où? Il faut tendre l'oreille pour le savoir. Et avec The Ocean, on n'a pas fini de chercher de le savoir. Déjà, à chaque titre, il faut sortir le dico pour commencer. Ça peut aider sur le chemin à suivre pour son voyage. Et c'est à ce moment-là que je viens de voir que finalement, même Pelagial a sa version instrumentale. Ouais, non, parce que tu sais, j'écrivais au fur et à mesure. Donc, en fait, l'album, il a 22 titres parce qu'il a 11 titres. Plus les 11 instrumentales, en fait. Qui étaient au sein du même album. Au sein du même album, voilà, c'est ça. Parfait. Bref, The Ocean, bah, c'est pas un groupe à découvrir à la va-vite, en vrai. Il y a une recherche profonde sur l'évolution humaine qui a commencé apparemment depuis 2007 et qui se termine avec Holocène. Oui, la recherche, leur recherche à eux, hein, pas leur l'évolution. Recherche. Non, ils vont pas aller aussi loin. Ils ont fait des conférences avec des scientifiques. Non. Qui se termine donc avec Holocène, sorti en 2023. Donc, autant dire que chaque album est à écouter et à réécouter pour essayer de se rapprocher de sa vérité et pourquoi pas s'approcher de la vérité. Une trop belle découverte pour être survolée comme je l'ai fait. Je vais prendre le temps, dès que je l'aurai, de me plonger dans cet univers pélagique, abyssal, qu'est The Ocean. Eh bien. Donc, j'ai bien écouté, si tu veux, mais c'est vrai que ça demande quand même une réécoute plus profonde. Ouais. Quand même, parce ça, que oui, Après, la ligne musicale est... J'allais dire tout le temps la même, mais c'est pas si vrai quand même. Parce que des fois, ça tabasse bien. Là, sur le dernier album, c'est un peu un autre chose encore. On leur demandait s'ils avaient pas peur un peu de perdre les gens. Et en fait, eux, ils estiment que les fans de The Ocean attendent justement à être toujours surpris par des nouvelles propositions. Voilà. Bon, après, si les fans, comme tu dis, je pense que voilà, ils sont au fait de leur recherche, de leur thématique depuis le début. De toute façon, tu vois bien au sein des albums, hein, c'est un mélange d'océan, d'espace un peu ou d'espace infini au sein même de l'océan. Enfin, bref. Et puis quand t'entends que ça parle un peu d'évolution, machin, bah, j'imagine que les gens ils veulent aussi qu'il y ait une certaine évolution logique aussi derrière tout ça, sachant qu'en plus là, ils sont au fin d'un cycle. Là, ils ont fini leur cycle. Bah ouais. Ça va être un nouveau cycle à venir. Donc là, voilà. Donc ça va être encore plus intéressant. Oui, carrément. Ouais. Et je l'ai pas dit, mais sais-tu d'où vient le nom de The Ocean? Eh ben non, tu vas me le dire. Parce que tout à l'heure, en fait, quand j'ai dit qu'il voulait créer un collectif artistique, en fait, j'ai pas assez précisé qu'il voulait, lui, il voulait rencontrer plein de gens et d'artistes qui lui correspondent afin de mettre à profit toutes ses idées. Et avec l'arrivée des premiers guitares, de ses premiers compères, pardon, il a installé un studio d'enregistrement et des locaux dans une ancienne usine, afin de pouvoir être dans des bonnes conditions pour commencer à créer. Et ça s'est retrouvé de surnommer Ocean Land à cause de la taille, la nouvelle lande du groupe. Et donc, il lui transmet donc son nom, The Ocean. Mais j'ai aussi une autre explication, qui est que le nom du groupe a été choisi pour représenter l'idée d'une entité massive et insondable qui englobe toute la diversité et la complexité de la musique du groupe. Et est-ce que tu veux savoir à quel point c'est des fous furieux les mecs? Plus que ce qu'on sait déjà. En fait, c'est en termes de déjà c'est des gros bosseurs et tout ça, ils s'arrêtent jamais déjà, apparemment ça. C'est déjà ouf quoi. Mais par exemple, lors d'une tournée américaine, apparemment Loïc le chanteur, il s'est cassé les deux jambes, il avait besoin d'une intervention chirurgicale, mais en fait comme là-bas le système de santé c'est trop cher quoi, donc c'est même pas une option. Donc l'assurance de Loïc a donc décidé de faire venir une infirmière de Zurich à San Francisco, de venir le chercher et de l'assister lors de son vol de retour en Suisse, qui a pris quelques jours jusqu'à ce que cela se produise. Loïc nous a époustouflé en jouant deux spectacles avec les deux jambes complètement cassées, mais en le regardant signer en fait ils l'ont regardé chanter tout en sachant à quel point il souffrait à travers des preuves que ce n'est pas un travail pour tout le monde. Ouais, le dingue. Oh, inhumain, quoi. Ouais, et je sais pas si t'as marqué, mais sur le dernier album, on entend du chant en français. Ah, putain. Ouais, on entend des paroles en français. Ouais. On entend des choses en français. Attends, j'ai un léger souvenir. Il y a pas même, il y a même des titres en français, d'ailleurs, je crois, non? Alors là, ça, c'est possible, mais c'est parce qu'en fait, le chanteur, les paroles sont inspirées par justement un philosophe, écrivain et cinéaste, Guy Debord. Ouais. Et qu'en plus, Loïc, il est sa langue maternelle, c'est le français. D'accord. Donc, il peut chanter en français. Okay. Et quand on lui demande, tu préfères chanter en anglais ou en français, il dit, je préfère en anglais, c'est plus facile. Et les prononciations sont pas les mêmes. Okay. Mais il peut faire les deux. Et pour terminer, petite cerise sur le gâteau, Robin, donc le créateur et le mec qui gère tout, en fait, il est géologue à la base. Il a un master en philosophie. Oula, donc c'est pour ça que c'est des thèmes qui lui permettent voilà. C'est des thèmes. C'est des têtes, les mecs. C'est des thèmes de tête. Hein. C'est clair. Donc, du coup, pour toi, The Ocean. Ouais, si, ce sera un gros oui quand même. Un gros oui, dur à manquer, hein, non, ouais. Non. Pas immanquable. Ah. Mais. oui, un gros oui, carrément. Bon, bah, écoute, parfait. The Ocean, excellent. Merci beaucoup, Tonaï. On continue à découvrir. Je te remercie encore pour cette belle découverte. De rien, c'était un plaisir. Ouais. À la prochaine. Pas bugué. Allez, des bisous. Allez, à la prochaine. Salut.